Coucou, alors moi j'avais juste une petite brève à partager que je viens de voir sur l'internet mondial. Je pense que ça date, oui, d'aujourd'hui, c'est ça, on est le 15 octobre, un truc comme ça, ouais. Le comico du quartier Omonia à Athènes a été attaqué par une cinquantaine d'anarchistes à coups de cocktail Molotov, véhicules banalisés en feu et trois flics à l'hôpital. C'est une attaque qui est en rapport au meurtre de. Alors, je ne sais pas lire le nom parce que c'est écrit C'est un policier, j'imagine. en grec. Du coup, je vais relire les tweets qui en parlent. Du coup, alors ça, c'était le 22 septembre. À Athènes, hier, quartier Omonia, un homme tente de braquer une bijouterie et se retrouve coincé par le dispositif. Il sort par la fenêtre du bas et se fait battre par des, entre guillemets, passants. Il mourra de ses blessures quelques temps après. Citoyen de merde! La presse est la même merde partout. Non, l'homme n'est pas mort, il a été assassiné. Et après, il y a eu enfin, il y a une manif sauvage qui est partie jusqu'à devant la bijouterie avec une banderole. À Omonia, ce n'était pas un vol, c'est les flics et patrons grecs qui ont assassiné. Et on voit aussi une vidéo où l'homme essaye de sortir de la bijouterie et qui a du coup le patron de la bijouterie et une autre personne. Ben en fait qu'on les voit clairement fait le tabasser quoi. Voilà. Voilà, j'ai pas beaucoup plus d'infos. C'est toujours Radio Cayenne. Et du coup, pour continuer, on va causer un peu des luttes des exilés. et des soutiens aux luttes des exilés. En se basant surtout sur la page Facebook du CRAN, parce qu'il relaye régulièrement des infos d'un peu partout. Et notamment, donc là j'ai une petite info qui vient de Lyon, puisqu'à Lyon a été ouvert donc il y a quelques semaines un squat à la Croix-Rousse, où du coup vivaient plus de 80 personnes, dont une majorité de mineurs isolés. Et donc ce matin, alors je sais pas si c'était... Oui, si, c'est ce matin, à 11h, le tribunal administratif a rendu sa décision, à savoir que du coup le squat de la Croix-Rousse est expulsable. Voilà. Donc un petit soutien aux Lyonnais, Lyonnaises dans cette petite lutte. Et après, bah, j'avais d'autres nouvelles de ailleurs. Mais le temps que je les retrouve, peut-être on peut parler d'autre chose ou remettre de la musique. donc on va enchaîner toujours sur le thème des exilés par un article paru sur Le Parisien le 13 octobre 2018, donc qui parle de la situation en Italie. Plus précisément, alors le titre de l'article, Migrants, le gouvernement italien démantèle l'emblématique village de Riace. Le ministère de l'Intérieur a ordonné le transfert à partir de la semaine prochaine des étrangers vers des centres d'hébergement plus classiques. C'était un village présenté comme un modèle d'intégration. Mais le ministère italien de l'Intérieur a porté un coup de plus samedi à la tradition d'accueil des migrants de Riace, un village de Calabrie du Sud, qui se dépeuplait. Le ministre d'extrême droite, Matteo Salvini, a ordonné le transfert à partir de la semaine prochaine des étrangers vers des centres d'hébergement plus classiques. La suite logique de l'arrestation le 1er octobre de son maire, Domenico Lucano, sympathisant du Parti communiste. Assigné à résidence, il est soupçonné d'aide à l'immigration clandestine pour avoir favorisé des mariages de convenance afin d'aider des femmes déboutées du droit d'asile à rester en Italie. Il est aussi accusé de s'être passé d'appel d'offres pour attribuer la gestion des ordures de son village de 1800 habitants à des coopératives liées aux migrants. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, s'était réjoui de son arrestation, dénonçant les fausses bonnes consciences qui voudraient remplir l'Italie d'immigrés. Et le bloc du mouvement 5 étoiles, parti anti-système, j'aurais mis des guillemets là, membre de la coalition au pouvoir, y voyait le signe que le gouvernement du changement a déclaré la guerre au business de l'immigration. Un sacré business apparemment, oui. Faire revivre les campagnes dépeuplées. Les partisans de Domenico Lucano voyaient dans l'exemple de Riace, financé depuis les années 2000 par des fonds européens et italiens, un moyen de faire revivre des villages dépeuplés tout en donnant un logement à des centaines de demandeurs d'asile. Matteo Salvini veut limiter les projets inspirés par l'exemple de Riace et regrouper les demandeurs d'asile dans des centres d'accueil plus grands. Le ministère dit enquêter sur des irrégularités évidentes dans le système d'accueil des migrants depuis 2016. L'État italien octroie 35 € par jour pour chaque migrant accueilli pour couvrir ses frais de logement, nourriture, des cours de langue et de l'argent de poche. Des avocats se préparent à faire appel. Le gouvernement italien a demandé le détail de la ventilation des dépenses aux maires qui affirme que ses avocats se préparent à faire appel contre le ministère. Comment est-il possible de détruire le modèle de Riace qui a été décrit par d'innombrables hommes politiques, intellectuels et artistes comme une expérience extraordinaire ? Ils veulent nous détruire, a déclaré le maire. Domenico Lucano a été cité parmi les 100 personnalités les plus influentes par le magazine Fortune en 2016 et inspiré un docu-fiction de Wim Wenders, ok. Intransigeant sur l'immigration, Matteo Salvini a gagné en popularité ces derniers mois. Donné par les sondages à moins de 10% avant les législatives de mars, il a remporté environ 17% des suffrages et se retrouve maintenant en tête des intentions de vote avec plus de 30%. Donc voilà, quand même bien flippant ce qui se passe en Italie. What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping off at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper. If you want education. All around the world, love women. Party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas. Current like some hot yoga, taking back the misnomers and teleporting through trauma. Teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama. Make a feminist planet, woman haters get banished. covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world, love women every shade and peace on liberated. All around the world, love women every shade and power one beat. So even if you hate it, I still rap my hijab, rap my hijab, rap my hijab, rap, rap my hijab. Keep swagging my hijab, swagging my hijab, swagging my hijab, swagging, swagging my hijab. These mixtures, these hippies, these prissies, these Sufis, these Jedis, these Sunnis, these Sharis, Yemenis, Somalis, Lebanese, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso. Alors, c'est toujours Radio Cayenne. Et du coup, on va continuer les news autour des exilés avec un petit point sur ce qui se passe en Belgique en ce moment. Et du coup, je vais vous lire un des articles du Cran, pour changer, mais qui relaye en vrai plein d'infos trouvées notamment sur le site Info Migrants. Donc, la Belgique pointure dans la gestion néocoloniale des exilés. Le 17 mai, suite à un contrôle routier, la police ouvrait le feu sur un véhicule et tuait une fillette kurde de 2 ans. Après avoir essayé de maquiller l'affaire et protéger l'institution policière, les autorités affirmeront qu'il s'agissait bien d'un tir policier. Le 10 septembre, le gouvernement belge annonçait son souhait d'enfermer toutes et tous et tous les exilés de passage sur le territoire belge, qu'ils doubleraient les places en centre de rétention et qu'ils intensifieraient les contrôles de police. Le 12 septembre, une vaste chasse à l'homme est organisée par la police. Une centaine de personnes sans papier est interpellée. Le 22 septembre, Médecins du Monde alertait les médias sur les nombreuses violences policières dont étaient quotidiennement victimes les exilés. Une personne sur 4 se disant agressée, soit physiquement, soit psychologiquement, par les membres des forces de l'ordre. Dimanche 7 octobre, les flics débarquaient et perquisitionnaient les logements des logements d'hébergeurs, hébergeuses solidaires, rafles et arrestations des personnes hébergées et criminalisation des solidarités. Triste. Lundi 8 octobre, un homme se pendait dans un centre d'enfermement. L'administration nous parlait de conditions de vie excellentes dans la prison, alors qu'un prisonnier venait de sauter la vie. Propos outranciers dans un État qui ne se cache plus d'appliquer les lois racistes. En Belgique comme ailleurs, les conditions de vie et de répression dont sont victimes les exilés, les individus solidaires, confirment la tendance fascisante des politiques de contrôle européennes pour celles et ceux qui n'ont pas les bons papiers. Voilà. We'll be right back. magnifique fondu. On voulait vous parler d'un petit projet qui est en train de se créer sur Nantes en ce moment, qui est une auto-école autogérée. Peut-être que vous avez entendu parler. et du coup, qu'est-ce qu'on présente ou on dit oui, peut-être on peut présenter. Du coup, il s'agit d'une association parce que depuis 2016, on n'est plus obligé de passer par les auto-écoles classiques, en fait, pour avoir son permis. On peut apprendre à conduire avec des personnes qui ont 50 permis sans retrait sur une voiture double pédale. Voilà, on peut se faire accompagner comme ça par des gens et apprendre. Du coup, j'allais dire entre amis, mais c'est pas obligé, mais enfin, en tout cas, entre personnes non professionnelles, là. Voilà. Échanger les savoirs et puis apprendre à conduire comme ça. Et du coup, il y a une super auto-école associative qui s'est montée notamment à Lyon, je sais plus quand, sûrement en 2016, et qui a écrit une merveilleuse brochure qu'on retrouve sur infokiosque.net qui s'appelle l'auto-école buissonnière. Et ça a motivé un peu du monde à Nantes de lire cette brochure. Oui. Et du coup, il y a du coup un groupe qui s'est monté, qui a commencé à réfléchir à ça, comment mettre en place tout ça. Et du coup, ils ont, ils ont fait des trucs et du coup, ils ont entre autres besoin d'argent parce que ça coûte un peu de frais pour lancer. Cette aventure pour acheter une voiture double commande et tout un tas d'autres frais. Et du coup, il y a un appel à dons qui tourne sur l'internet et pas que, sur des petits flyers qu'on a entre nos mains et qu'on va vous lire. Oui. Alors, une auto-école autogérée à Nantes. Parce que depuis 2016, il est possible de passer le permis hors des auto-écoles classiques. Parce que de pouvoir s'apprendre des trucs entre potes, camarades, proches, pairs, permet un autre rapport à l'apprentissage. Parce que trouver des moyens d'être hors des cadres, c'est plutôt rigolo. Parce que se questionner sur comment on apprend et on gagne en autonomie ensemble nous intéresse. Parce qu'une aventure similaire a déjà été vécue à Lyon et que le collectif qui est à l'origine l'a raconté dans une brochure et que ça fait rêver. Parce que nombreuses sont les personnes qui n'ont pas les moyens de passer par la porte des auto-écoles classiques. Parce que les traumatismes liés à l'école, à la voiture, bloquent beaucoup de monde dans l'apprentissage de la conduite. Parce qu'on a envie de choisir comment, avec qui, on apprend à conduire. Parce qu'une auto-école qui pense les questions de discrimination, langue, genre, classe, on n'en connaît pas vraiment. Parce qu'à la question « t'as toujours pas ton permis ?», on saura enfin quoi répondre. Parce qu'apprendre à conduire en allant à 4 à la mer, c'est pas mal la classe. Parce que si on a envie d'apprendre des bouts de mécanique, de bidouille pour être le plus autonome possible. Parce que ça donne envie à du monde d'être moniteuriste et de transmettre des connaissances. Parce que s'organiser ensemble sur des questions pratico-pratiques nous semble important dans ce monde un peu beaucoup trop capitaliste et individualiste. Parce que ça fait un peu peur quand même de repasser des examens et que de le vivre à plusieurs, ça rassure. Parce que les auto-écoles classiques vendent des services et que nous avons envie de développer les échanges non marchands. Parce que... Pour toutes ces raisons et des centaines d'autres, une auto-école autogérée se crée à Nantes. Pour lancer cette aventure, nous avons besoin de 12 000 euros qui nous permettront l'achat de la voiture, de la carte grise, de couvrir les frais de fonctionnement de l'asso, banque, salle de réunion, déclaration, d'assurer une provision sur les chantiers mécaniques à venir. En effet, si nous arrivons à couvrir ces frais grâce à vous, nous serons en mesure de proposer des formations à des prix de revient très bas, moins de 500 euros code compris, contre une moyenne nationale à 1800 euros dans le système traditionnel. Vous pouvez nous soutenir en envoyant vos dons. Toutes les sommes, même les plus petites, toutes les sommes, même semblant petites, seront vraiment bienvenues. Soit par chèque à l'ordre de Association Auto-École Autogérée, au 17 rue Paul Bellamy à Nantes, ou par virement sur Helloasso ou en liquide les lundis entre 18 et 20 heures au 17 rue Paul Bellamy à Nantes. Voilà, n'hésitez pas à donner un peu de sous-sous, parce que si chacun met 2 à 5 euros, ben en fait, ça finit par faire beaucoup. Et les 12 000 euros, on les a. Voilà, et on peut enfin faire passer le permis à plein de gens. Voilà, voilà. On va s'écouter une petite musique à thème. Pouette, pouette. Attitude, pouette, pouette, la voilà, la automobile. Attitude, pouette, pouette, la voilà, qu'est-ce qu'elle fait donc là? Attitude, pouette, pouette, la voilà, la automobile. Attitude, pouette, pouette, la voilà, qu'est-ce qu'elle fait donc là? Attitude, pouette, pouette, la voilà, la automobile. Attitude, pouette, pouette, la voilà, qu'est-ce qu'elle fait donc là? Attitude, pouette, pouette, la voilà, la automobile. Attitude, pouette, pouette, la voilà, qu'est-ce qu'elle fait donc là? Pouette, pouette, pouette, pouette, la automobile. Vive la Toto-école. Donnez de l'argent à la Toto-école pour pas finir. Encore chanson thème. Dans Mastodon. Je connais. voir. L'événement de ce week-end est enfin culturel avec le lancement officiel ce soir de Marseille-Provence 2013. Marseille, la métamorphose. Un peu partout, des bâtiments, des musées sortent de terre. Marseille 2013, c'est 600 millions d'euros injectés dans une vaste rénovation urbaine. Marseille-Provence 2013 sera de toutes les capitales européennes de la culture depuis 25 ans, celle qui aura consacré le plus gros effort à la création de nouveaux édifices, de nouveaux bâtiments. Ils ont délocalisé des gens en masse et l'aspect culturel, il est un peu là pour mettre les gens dans un dynamisme de changement. Du jour au lendemain, d'annoncer ça aux Marseillais que devenir la capitale culturelle, c'était une importance majeure, c'est se foutre des gens. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une volonté de changer la population, alors même que Marseille est une ville où il y a un taux de pauvreté phénoménal, où les gens vivent beaucoup de démerdes. On vient voir les pauvres, on vient voir les gens qui ont des choses dont on va se saisir et qu'on va virer de Marseille. Le projet Euroméditerranée, ce sera à terme un quartier clé pour Marseille, l'équivalent de la Part-Dieu pour Lyon ou de la Défense pour Paris. Il y a une volonté de mise au pas des populations. Donc on voit des quartiers qui s'effacent petit à petit. Romain, c'est pour redéfinir le centre-ville, de les nettoyer des milieux populaires et des migrations récentes. Ça, c'est redéfinir un centre qui a toujours été historiquement le centre de Marseille. C'était un sas pour les différentes migrations et c'était un espace populaire où les gens pouvaient se croiser de toute façon. Et l'idée, c'est effectivement de rejeter ces milieux populaires et ces populations vers les quartiers nord. Ici, à la République, c'est trop cher. Tous, on va tous partir un par un. Hop. Et aujourd'hui, ils ont commencé eux. La dernière fois, ils ont commencé là-bas. Demain, c'est qui? C'est moi. Demain, moi, je pense que demain, ça va mon tour. Non, on ne prend pas soin des gens. Non, on ne leur laisse pas le loyer qu'ils avaient. Non, on ne leur laisse pas l'espace qu'ils ont. Au contraire, on les taxe encore plus. Et ces personnes âgées, notamment, je me rappelle de l'histoire de ce boulanger aussi qui est resté tout le temps, qui a travaillé longtemps rue de la République. Et les voisins voulaient payer son loyer, même pas. C'était une société HLM. Ils l'ont viré. Ça a été une période où on était sans arrêt sur le terrain avec Vieter, droit au logement. Plein de gens, on était là sur le terrain pour pouvoir empêcher ces expulsions. Mais on faisait tenir 5 heures, 3 heures. Mais au bout du compte, ils gagnaient. Ils gagnaient parce que c'était l'État, parce que c'était l'État qui les mettait dehors. Il y a un exemple qui est frappant. Il suffit d'aller le jeudi au tribunal, c'est les expulsions locatives. Les salles sont pleines. Et la plupart du temps, c'est les sociétés HLM qui mettent dehors les gens. Sur la manière de défaire la ville, il y a Euromed, il y a aussi d'autres projets qui se mettent en place, qui viennent se greffer là-dessus, qui sont tous les projets de rénovation urbaine, qui sont aussi des projets de destruction des quartiers. Alors au nom de la salubrité, au nom du grand concept qui nous sert toujours, qui est quoi, le concept de la sécurité, mais qui est de détruire des quartiers. Il y a eu plusieurs quartiers qui vont être transformés, même carrément détruits. Et effectivement, Marseille, pour les prédateurs, pour les financiers, pour l'économie, ça pose un problème parce que ça peut être une ville qui les intéresse, c'est une ville qui les intéresse et qu'ils aimeraient bien arriver à pacifier une bonne fois pour pouvoir en faire une aire de jeu du business international et de la finance. Donc le projet Euroméditerranée, il rentre dans ce cadre-là, quoi. Il rentre dans ce cadre-là qui est de nettoyer la ville. Ils ont commencé à attaquer les quartiers nord. Là, on sait maintenant que le principal truc qui est mis en avant, c'est la superficie des hectares, les kilomètres carrés qu'il y a de bureaux, et les gens vont être chassés petit à petit vers de plus en plus vers le nord. De savoir que le centre-ville va être transformé en espace touristique et pour les classes moyennes et supérieures, évidemment que c'est enlevé à l'histoire de Marseille et de son centre. Son histoire, ça, c'est un malheur pour la ville de Marseille, parce que Marseille, c'est une ville populaire, c'est une ville d'immigration. Le truc qui est aussi sur Marseille, ça n'a rien à voir avec la spéculation, ça a à voir avec la gestion des populations. C'est un développement phénoménal des caméras de vidéosurveillance, énorme, quoi. C'est-à-dire sur le centre-ville, c'est hallucinant le nombre de caméras qui se créent. En fait, tout ça s'imbrique. C'est-à-dire que Euromed, c'est créer une image concrète de la ville, une image qu'on voit des bâtiments, des magasins, tous ces trucs qu'on connaît dans d'autres villes et qu'à Marseille, il n'y a pas beaucoup. Les flics, ils sont là pour mettre la pression sur les gens en permanence, virer les sans-papiers, faire des rafles tout le temps, contrôler tout le monde. Je me rappelle du nouveau préfet là, qu'ils avaient nommé, c'était encore sous Sarkozy. Je crois que c'était en juin 2011 ou quelque chose comme ça, qui était allé à Noailles et qui avait dit « On n'arrêtera pas de faire des rafles, on n'arrêtera pas de, comment dire, de faire des contrôles dans ce quartier jusqu'à le nettoyer entièrement pour Marseille 2013. » Et Marseille 2013, c'est là pour donner une image de marque à la ville. C'est un logo, c'est un label, c'est... voilà. On met ça sur Marseille et ça va faire venir du blanc, du cadre, du touriste, du promoteur, de l'investisseur. Et en fait, toutes ces choses-là, il faut les considérer ensemble. Aujourd'hui, en Europe occidentale, la plus grande marchandise qui puisse exister, c'est la culture. La culture, c'est toujours le truc qui se déguise. Ce qu'ils appellent la culture, il faut bien être clair, c'est-à-dire c'est pas les comportements, les mœurs, les manières dont vivent les gens. La culture, c'est l'industrie culturelle. C'est-à-dire c'est de la production industrielle de la culture, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est la culture. S'il y a bien une ville en France qui a une vraie culture, je ne veux pas dire qu'ailleurs il n'y en a pas, mais à Marseille, il y a une culture de métissage, culture de population mélangée, culture de plein de langues qui se parlent, plein de manières de vivre et d'être, et de traditions et de coutumes, etc., etc. Donc la culture dont on parle en Marseille 2013, ça n'a rien à voir avec cette culture-là, ça a à voir avec, la production culturelle, l'industrie de la culture. Cette industrie de la culture, c'est de toute façon forcément toujours le cheval de Troie, en tout cas partout, mais notamment à Marseille, de manière spectaculaire, c'est le cheval de Troie de l'entrée de l'économie, de l'arrivée de la civilisation pacifiée, dont ils rêvent qu'elle soit pacifiée. Derrière 2013, c'est évidemment Euromède qui est en jeu, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire 2013, ça va durer un an, quand ils seront repartis, tous ces artistes et tous ces machins, on sera toujours là à Marseille, quoi. Mais par contre, ce qui restera, c'est la destruction de ma ville, notamment dans le nord de Marseille, sur Saint-Lazare, les Crottes, Saint-Louis, etc., et Arinc. Là, ça va laisser des traces qui ne sont pas pour une année, ça va durer, c'est vraiment une volonté violente de restructurer, de transformer une ville, quoi. Bon, le truc qui est vraiment flagrant et gravissime sur l'histoire de 2013, c'est qu'à Marseille, il y a aussi des gens qui font de la musique, il y a aussi des gens qui font des graphes, il y a aussi des gens qui ont des activités dans tout genre. Et ces gens-là, ils ont été très très peu intégrés dans Marseille 2013. Les artistes, soi-disant les artistes, comme ils disent, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Et que là, le vis-à-vis de ce qui se passe sur Marseille, c'est le plus total mépris. Marseille, capitale de la rupture 2013. Un mistral de businessman souffle sur la ville, inévitablement Marseille se meurt. À dire que la majorité des votes ont suivi la couronne de France, toi qui as porté tant de révolte en marche vers la délivrance. Sur le marché, ton avenir se spécule. Sur les vieux quartiers, les promoteurs perturbent ce qui a fait ton existence sur plus de 2600 ans. C'est dépendance persistance, tu le cries à celui qui l'entend. C'est de la culture ou c'est du mépris? Pour moi, c'est du mépris. C'est du mépris, c'est de l'humiliation. C'est comme le jardin qu'ils veulent faire à Saint-Barthélemy, un jardin éphémère qui va coûter 420 000 euros pour après faire une autoroute par-dessus. Il y a eu une opposition massive qui s'est faite sur les quartiers Buxerine, Grand-Barthélemy, Saint-Barthélemy et Sainte-Marthe, de plusieurs associations qui ont refusé la thune qu'on leur donnait, au prétexte qu'il était délivré énormément d'argent pour créer un jardin qui durerait qu'une année, qui au bout d'un an serait détruit. Dans le même temps où toutes les associations du quartier ne touchent plus une thune, plus une subvention, ou très peu, où elles sont complètement exsangues, etc., etc. Et que ça veut dire quoi, faire un truc pour un an? Les associations se sont retirées au départ. Nous, on est ouverts à tout, puisque en plus, on est encore plus ouverts quand on vient nous parler d'art et de culture. Donc les gens ont tendance à dire « venez, volontiers ». Et puis au final, tu découvres que ce projet coûte tant, que tu n'es pas vraiment acteur du projet, que tu n'es qu'une petite main, finalement gratuite, pour réaliser un jardin éphémère. Alors que si on nous avait mis au fait des enjeux réels de ce projet, nous, on sait ce qu'on veut. Donc on aurait dit, voilà, nous on va être associés à ce projet, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce qu'on a fait. On a dit stop au projet, mais on rediscute, on se met autour de la table et on voit comment nous, on peut être acteurs réellement du projet. Et en fait, aujourd'hui, ça coince parce que non, en face, on a encore la grande institution qui ne peut pas supporter que des gens leur disent « on veut être acteur d'un projet et on veut l'être comme ça ». Eh bien, écoute, nous, à un moment donné, tu sais, ça marche pas, on s'en fout. C'est annoncé comme un outil de restructuration territoriale. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire une chose, ça n'est pas fait pour ça. Et le truc le plus flagrant, c'est qu'on a confié la direction de la capitale européenne de la culture, je me pince chaque fois que je le dis, au président de la chambre de commerce. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ça normal? Nous, on trouvera normal qu'un président de chambre de commerce dirige une année capitale de la culture le jour où on confiera le redressement de la société de Marseillaise de crédit à un poète et un comédien. Là, ce jour-là, on pourra discuter. Mais là, on est dans le domaine des choses surprenantes, anormales et inacceptables, et on n'entend rien. À l'avenir, par contre, il y a un facteur qu'ils ne prennent pas en compte, c'est que c'est une ville folle. Et que je ne crois pas que les plans ils se déroulent comme... Je ne crois pas que Marseille, c'est une ville où les plans ils se déroulent comme ils étaient prévus. Toujours sur Radio Cayenne, on vient d'écouter un extrait, un montage d'un documentaire qui s'appelle Marseille, capitale de la rupture, du coup qui parlait de Marseille, capitale de la culture. C'était en 2013. C'était en 2013 et Marseille était en pleine logique de gentrification. Et Marseille est toujours en pleine logique de gentrification. Et là, c'est le tour du quartier qui s'appelle La Plaine à Marseille. Et notamment d'un endroit qui s'appelle le Cours Jus. Le Cours Julien, que les gens surnomment le Cours Jus. Et on va vous lire... Alors, je vais pas tout vous expliquer parce que tout le monde a envie d'aller se coucher. Et peut-être vous aussi. Mais du coup, vous pouvez trouver notamment des infos sur mars-info.org. Mars, comme le mois de mars, -info au pluriel.org. Et il y a plein d'infos sur ce site. En tout cas, en ce moment, les pouvoirs publics à Marseille sont en train d'aménager, d'essayer... d'aménager le quartier de la Plaine, et du coup il y a une lutte par là-bas, et je vais vous lire le communiqué de l'Assemblée de la Plaine. Le jeudi 11 octobre, la police est intervenue en force pour permettre au chantier de la Soléam de s'installer sur la place Jean Jaurès. Plus de 100 policiers pour défendre les camions qui amenaient les plots en béton. Les défendre contre qui? Contre quoi? Des habitants, habitués, mais aussi des forains et des commerçants qui contestaient depuis plus de 3 ans ce projet sur le fond et qui continuent à demander un autre type de rénovation respectueuse de l'existant. Hier, c'était donc bien le dernier marché avec l'arrivée des machines, parce que la place qu'ils sont en train d'essayer de réaménager, c'est une place avec, où il y a un marché en fait. Voilà. Les opposants au projet, de tous âges et horizons, ont essayé d'arrêter les camions, ont été poussés et provoqués par les policiers, puis gazés à répétition. Aux dernières nouvelles, plusieurs personnes blessées par la police et 5 personnes interpellées. L'installation des plots a quand même pris tout l'après-midi. Donc on parle de gros plots en béton, les gros trucs comme on peut voir à Nantes là, qui ressemblent à des Legos. Donc l'installation de ces plots a quand même pris tout l'après-midi, pendant que de plus en plus de monde se rassemblait à la Plaine en soutien. Mais l'énergie de la lutte n'a cessé de grandir, et dès que les machines des CRS sont parties, les plots ont été déplacés à la force des bras et la place a été réouverte. Les pavés utilisés par les habitants pour bloquer les camions ont été remis à leur place pour montrer encore une fois qu'on tient à ce quartier, qu'on souhaite l'améliorer et qu'on n'acceptera jamais de le voir détruit par ce chantier Attila. La mairie n'écoute personne. Aucune critique n'est prise en compte par ces élus qui ne parlent qu'entre eux et n'agissent que pour des enjeux de pouvoir et d'argent. L'Assemblée de la Plaine appelle toutes celles et tous ceux qui sont opposés à cette politique municipale L'Assemblée de la Plaine appelle toutes celles et tous ceux qui sont opposés à cette politique municipale faite de violences et de projets mortifères pour la vie de quartier à réagir. Grande manifestation demain, samedi 13 octobre à 14h. Rendez-vous cours Julien. Et du coup, on va lire le déroulé de cette manif. Donc, début de la manif, 14h40. Ambiance détendue sur le cours Jus. Au départ de la manif, environ 150 personnes. L'accès à la plaine est possible. Il n'y a pas encore de CRS sur le cours. Venez nombreuses et nombreux défendre la plaine. 15h01. Départ du cortège. Tout le monde est descendu par les escaliers du cours Jus. Environ 400 personnes se dirigent sur le cours Lyotard vers la Canebière. Talonnés par les keufs, libérez nos camarades et tout le monde, non c'est pas comme ça, tout le monde déteste la police, retentissent devant le commissariat. Belle énergie. Pendant ce temps sur la plaine, un côté est dégagé et l'autre est bouclé par des camions de CRS. 15h27. La Soleam, c'est dégueulasse. Il y a des gens qui ont envie de chanter ou... C'est dégueulasse. La Soleam, c'est dégueulasse. La Soleam, c'est dégueulasse. Devant notre cher Soleam et une enfilade de Condé, le cortège scande « Nous sommes tous des enfants de la plaine et tout le monde déteste la Soleam » avant de se diriger vers le Vieux-Port. Environ 800 personnes, 1500 selon l'estimation marseillaise, sont présentes. 16h, toujours des terres. La manif est remontée par la rue de la République avant de prendre le cours Belsunce, sous de joyeux cris et des chants. Retour sur la Canebière, vers la Soleam, qui se retrouve malencontreusement avec une vitrine pétée. Pendant ce temps, 5 fourgons de flics sont remontés à toute vitesse par la rue Thiers vers la plaine. Ouais, ils kiffent la rue Adolphe Thiers, il y a moyen qu'ils kiffent quand même. 17h02, charge de CRS dans la rue Thiers. Décidément, ils kiffent. Aux réformés, les baqueux cherchent à se racheter une bonne conscience et chopent un portefeuille volé en le brandissant à la foule qui crie « Barrez-vous !» Les CRS entreprennent alors une charge violente en poussant les manifestants à remonter la rue Thiers. Des rumeurs tournent autour de 2 arrestations. Si vous avez plus d'infos, appelez la Legal Team de Marseille au 07 53 24 35 31. Un peu plus haut dans la rue, plusieurs personnes se réfugient dans un bâtiment et les flics tentent de forcer le passage. Ils réussissent finalement à sortir sans plus de problèmes. Les gens, pas les flics. Hein. 17h05, sommation à la plaine, besoin de renfort. De retour à la plaine, les CRS se mettent en place au niveau du boulevard Chave. Des sommations viennent d'être faites pour demander aux manifestants et manifestantes de quitter la place. Les gens jouent au foot devant les keufs en chantant. Le ballon passe devant, derrière les flics. On entend scander « Rendez-nous le ballon !» Besoin de renfort. 17h32, encore des blocs au béton, gazage et interpellation. Les flics reculent sur la place. La manif avance doucement, suivant un nouveau camion qui vient d'arriver pour poser encore plus de blocs de béton. Des gazages ont commencé cours Julien. Des interpellations ont lieu en ce moment. La BAC semble chercher des personnes pour faire des arrestations ciblées. 18h03, toujours plus de gaz, des baqueux un peu partout. Tout le monde est repoussé rue Saint-Pierre. Les gazages s'intensifient, usage de grenades signalé. Les gens commencent à se disperser dans les rues adjacentes. De moins en moins de monde dans le cortège. Des nouvelles interpellations en cours. Si vous avez plus d'infos, appelez la Legal Team de Marseille. Une rangée de baqueux est posée entre la poste et le bar des maraîchers. Ils tiennent un peu partout dans les rues autour. Faites gaffe si vous rentrez seul. 18h25. Retour sur la plaine et fin du suivi. Du monde commence à se rassembler de nouveau sur la plaine, pendant que les baqueux traînent toujours un peu partout. Deux camions de flics et une voiture de bac viennent de remonter vers la place et la chorale, infatigable, continue de chanter. Wow, big up à vous, bon courage et peut-être on essaiera de continuer à donner un peu des nouvelles de cette lutte. Et est-ce qu'on met un petit peu de musique avant de se quitter ? Pénètre dans le sang, viens voir ma ville et ses rues. Ce qu'on a dans la tête, le vent sur quoi on a des vues qui nous croyaient perdus. Pas moyen que ça dévie, Marseille City ça déblaye, rien nous affaiblit. Pas même de marcher seul, chacun sa peau, un centre-ville. Vite traçons tous à l'opposé avant qu'ils nous quadrillent. L'opéra à la plaine, on connaît toutes les rues par cœur. Y'a même nos noms sur les murs écrits au marqueur. Révolution Moussine, réunion d'MC, du stand, tu connais mon profil, clin d'œil à ma clique. Et tous ceux qui opèrent dans la street, vas-y roule ce qui me fait planer. Envie tes rêves et pas ceux des autres. Fous-toi de leurs règles, leurs lois, soigne-toi, en gros sois-toi, il n'existe qu'un roi. Fuite des arrois, mais ça doit changer, car sous chaque toit se cache la rage de vivre, alors mon frère, ma soeur, à toi. Avec mon style, tu ouais, parc je joue des gars, parc je joue des guns, alors qu'on voit joue des gars. Ce type qui le calme, il clash même qui la calme, des guns, des gommes autant, et pour ça qui la clame. Non, devoir faire face à notre histoire, se connaître pour y voir plus clair. Qu'on parle de l'amour à la haine. Dans la vie qu'on mène, le rap voilà pour qu'on se démène. Sans répond à l'appel, tous dopés à la peine. Sans la joie comme la haine, dopés à la plaine. Pas taf, les mêmes bises, rarement ça paye. Sans le tas et la tise dans les rues de Marseille. On en place une pour nos frères qui possèdent les mêmes repères. Dans un même univers, puisque c'est dans ces terres dopés à la plaine qu'on opère. Chirurgien opérant par code vocal, c'est pour ça qu'on braille. Écoute les corps retentir, passant du bouger à nos hailles. Moi, j'ai de zèle, et je te présente le parti fou. La famille envoie les balles vocales, alors écartez-vous. C'est le délire d'ici que tu entends, alors rentre vite dedans. Le boucan de mon camp venu du centre-ville. Les gens du cœur tous sur le même son. Ensemble, tous frères et sœurs, même sans avoir le même sang. On lève l'emblème sans gêne, sans demi-mot. De l'opéra à la plaine et là je laisse la place à Mino. Et aujourd'hui ce qu'on a fait hier, monte sur scène mon frère. Rap donne tout, mais de côté les filières. On a toujours rien à perdre, les textes ils font l'affaire. On parle de nous sur tes terres, pas la peine d'avoir les nerfs. Ça vient de là où les MC ne donnent pas, le centre-ville. Ça rapture dans le 0-2, reconnais-tu du style à MRS. En 2005, fonce dans le tas, juste un avant-coup de la parquet, ni m'assista. Du coin de rue au parquet, en audience en TGI, ça prend du TIG. En filature, en GTI ou en TGV, venu du CV, on veut la CP. Mauvais train de vie, garçon du mauvais rail. On est rien sans rien, comme un cabaret sans rail. Un flingue qui s'enraye, un des frères nos listes qu'on enraye. Un ciel sans lune ou soleil, O-P-E-R-A à la plaine. Rédime qui casse les murs, j'te jure. Centre-ville, poste où il mesure, j't'assure. La musique nous unit, c'est essentiel. Comme l'essence du ciel, elle frappe. Et elle est douce comme le miel. On porte tous notre foi, n'empêche que la misère s'accroît dans les rues. Les cœurs se vident et des frères s'entretuent. La merde prend trop de place, même si elle a pas le dessus. C'est une conspiration, mais il faut pas qu'on s'habitue. Marseille, centre-ville, tous répondent présents à l'appel. Poignée, opéra noir, ils courent chien à la plaine. Yeah, 4 mesures à peine, déjà les MC font appel. On arrive franc, vrai, freestyle, pas nous sur la terre. Marseille, centre-ville, tous répondent présents à l'appel. Poignée, opéra noir, ils courent chien à la plaine. C'est avec le cœur qu'on parle, de l'amour à la haine. Dans la vie qu'on mène, le rap voilà pour qu'on se démène. Dans mon coin, tant qu'on n'est pas mort, on agit. Ma haine et mes douleurs sont trop profondes. Docteur, ça sera dur de stopper l'hémorragie. Rageur est mon tempérament, on veut tout maintenant car le temps perd rarement. Pour certains fraudes, frôle l'antipathie. Mon rap frôle l'antipatrie. Mon encre gicle, parce qu'à leur mode de vie bourge, j'y suis allergique. J'ai pas ça pour toucher de l'argent, j'vise mieux, j'préfère toucher les gens. J'ai pas ça pour le bis, ou pour un tas de mises qui me tape un tas de bises. Sur la rue, les gens de mon coin, voilà sur quoi j'mise. Maintenant tu connais la devise, notre actrice, le gros bordel. Pour toutes les indies dans la matrice. King de son micro, mais pas celui des autres d'autres. M'ont pas donné l'antidote pour que j'me m'entende. J'démonte, j'raconte le code des membres qui se bouent en compte. Des corps qui tombent, des tombes ou des pompes qui se passent à chaque seconde. Chaque vie, chaque amour, s'évapore à la seconde. Mais j'vise gros, pour ma mise à fort. On a beau faire tout le discours qu'on veut, c'est pas comme ça qu'on exaucera nos vœux. On a beau prier Dieu, c'est pas ça qui fera que ça ira mieux. Qui sommes sommes-nous pour exiger quoi que ce soit? Qui sommes-nous pour évaluer la soie? Pourquoi la valeur choisie s'accroît alors que le pouvoir pleure et s'assoit? Sans espoir, vide de toutes ses richesses, on moisit de la vibration, de la pression qui nous balance les mots et nous agresse. Il n'y a pas de mise sans graisse, on s'en fout du fond de la forme, que tu formes d'or en chloroforme. Laisse-nous vivre pendant que les enfants sortent. Pire emblématique et la tristesse à la mine, les sous-sols me malmènent. Humainement, je reste placard, mon espoir s'attire, mon appétit me fait la gueule. Carpe diem, cicatrisé du dégoût de la famille. Marseille, centre-ville, ouvre l'œil, été en plein dans le mille, au cœur de la rancœur. Atmosphère à 200 à l'heure, parce que le rap a besoin d'un nouvel oxygène. Je rallume les fumigènes pour une seule. Marseille, centre-ville, tous répondent présents à l'appel. Poignée, opéra noir, courchelé à la plaine. J'ai 4 mesures à peine, déjà les MC font appel. On arrive franc, vrai, freestyle, pas de morceaux à terre. Marseille, centre-ville, tous répondent présents à l'appel. Poignée, opéra noir, courchelé à la plaine. C'est avec le cœur qu'on parle, de l'amour à la haine. Dans la vie qu'on mène, le rap, voilà pour qu'on se démène. À l'heure actuelle, je vise le top, vu que la vie est stone. De partout, la merde s'installe, j'en ai bien stable. Tu cours à la plaine, opérant, priant, opérant, en espérant qu'un jour la gloire nous paiera. Bâtiment 13, centre-ville, cellule la plaine. Numéro d'écrou, M-O-R-P-H-I-N. Ma vie, c'est un casse, je viens la baiser. C'est morphale, le cas, ça va peser. Processus verbal, Al-Qaïda, El Matador. Pour toute la gréa du centre-ville, tous ceux qui ont le ventre vide, qui évitent les faux que juge et flic, tous ceux qui prennent des risques pour le fric. J'débarque à Bala avec mon mic et mon armée. Mon frère t'a tout devancé, tout défoncé, suffisant pour tout offenser. Je représente Meltzens, le centre-ville, Amika, D-E-L-I-T, artiste inconnu. Faut que les instrus, on prend le dessus, et les prods venez nous chasser. Sinon, obligé, on va se fâcher. Je tire un sur son, je vais représenter pour le centre-ville, pour Kenyar, Kana, Lopé, Meltzens. Alors, faut que ce son bête, faut que ce son rôde dans ta tête. Faut leur montrer ici qu'on n'est pas des dindes. C'est sûr qu'on ne va pas finir gros parrain d'un jet set, mais hélas, cultiver le temps, assis sur un banc. A tuer la vodka jet set, humeur froide, la peau mate. On grandit sans émotion, une vie plate. Le chant de la révolution, mais une vie fade. On écrit notre ouvrage, sans tatouage. Entre les homoclates, plein stigmates. Et c'est le mal qui nous flatte. Tous fat sur le sol, pour tout cramer, sache qu'on est tous cap. Flou, c'est un nez, fiat, j'col le barah. Ou l'yon v'dir, fiat, c'est bra. J'venais comme ou soit, on a l'guerra. Dunia, cool marat, gril, jaya, O-P-E-R-A. Marseille, centre-ville, tous répondent présents à l'appel. Poignée, opéra noir, courchelé à la plaine. J'ai 4 mesures à peine, déjà les MC font appel. On arrive franc, vrai, freestyle, pas d'morceaux à terre. Marseille, centre-ville, tous répondent présents à l'appel. Poignée, opéra noir, courchelé à la plaine. C'est avec le cœur qu'on parle, de l'amour à la haine. Dans la vie qu'on mène, le rap, voilà pour qu'on se démène. Marseille, centre-ville, tous répondent présents à l'appel. Poignée, opéra noir, courchelé à la plaine. J'ai 4 mesures à peine, déjà les MC font appel. On arrive franc, vrai, freestyle, pas d'morceaux à terre. Marseille, centre-ville, tous répondent présents à l'appel. Poignée, opéra noir, courchelé à la plaine. C'est avec le cœur qu'on parle, de l'amour à la haine. Dans la vie qu'on mène, le rap, voilà pour qu'on se démène. Ouais, donc on va se quitter là pour cette reprise de Radio Cayenne pour donc la troisième saison. Et on vous dit à lundi prochain. Ouais, bonne nuit. On me tend le micro, mais j'ai pas grand chose à dire. Alors c'est un petit peu gênant. Bonne nuit les cailloux. Du love. Cayenne, c'est fini. À lundi prochain. Cayenne, c'est fini. Pas de veine, plus de soucis. Cayenne, c'est fini. De mon ami, ce n'est peut-être qu'un oubli. Cayenne, c'est fini. Il y en a qui s'aiment juste